va pour la belle vie. On vous croyait ça, mais ne vous y fiez pas. Les filles à papa, les filles à papa sont des parias. Une vie comme ça, moi je n'en voudrais pas. C'est elle qui sert le thé au jasmin quand on reçoit la barre de machin. Moi pendant ce temps-là, ne le répétez pas, je vais au ciné avec mes copains. Elles vont visiter les muséums, les expositions de géranium. Moi pendant ce temps-là, ne le répétez pas, je vais danser le jack au palladium. Les filles à papa, les filles à papa, pour la belle vie, on vous croyait ça, mais ne vous y fiez pas. Les filles à papa, les filles à papa sont des parias. Une vie comme ça, moi je n'en voudrais pas. Elles n'ont qu'à fiancer à la fois, avec lui elles vont à l'opéra. Moi pendant ce temps-là, ne le répétez pas, je vais voir Johnny à Musicorama. Elles veulent une auto, papa la donne. Quand y a plus d'essence, elles l'abandonnent. Moi que tant de peine quand je touche ma semaine à payer un disque des Rolling Stones. Mais ça n'empêche pas, je ne les envie pas.